Chapitre 40e. Monsieur Le Bureau est l'ami de Zigomard. Paulin Broquet se rendit à la place, sollicita l'autorisation. Ce fut toute une autre affaire. Il trouva là monsieur Le Bureau avec des galons au képi, qui lui demanda d'abord un rapport de la commission civile, donnant exactement la justification du désidératum de la Banque de France. Ce désidératum serait examiné par la commission administrative militaire, puis envoyé au service de M. Le Bureau technique, un autre que cette partie concernait, et enfin adressé à M. Le Bureau du génie, qui en entreprendrait l'étude, ferait son rapport et enverrait à M. Le Bureau du service électrique militaire ou à M. Le Bureau des réparations militaires. Paulin Broquet revint à la Banque de France. Le directeur voulut bien se donner la peine, vu l'urgence, de s'adresser lui-même à un des services civils qui pourrait établir le rapport initial dont Paulin Broquet avait besoin, que réclamait M. Le Bureau de l'administration militaire. Or, ici, dans le civil, le gouverneur dut s'adresser à M. Le Bureau du ministère de l'Intérieur, dont dépendait l'administration de la banque. Ce M. Le Bureau envoya la demande à son cousin, M. Le Bureau des bâtiments, d'où elle devait, après examen, partir vers l'autre cousin, M. Le Bureau, chef à l'hôtel de ville. De là, elle allait chez M. Le Bureau du service des eaux, ou chez M. Le Bureau de la compagnie électrique, ou chez M. Le Bureau du gaz. Tout cela, en allant très vite, exceptionnellement vite, le cas étant urgent au plus haut point, ne demanderait pas plus d'un mois ou deux, ce qui serait phénoménal, un mois de rapidité. « Bien, » dit Paulin Broquet au gouverneur, « dans un jour au plus, on va voler encore 1 million à la Banque de France, et il me faudra, moi, la justice, à cause de ce monsieur le bureau civil et de ce me le bureau militaire, plus d'un mois pour empêcher ce vol. » Le gouverneur de la Banque de France se montra désolé, mais sa responsabilité lui défendait d'agir autrement. Il devait se conformer aux règlements de l'administration. Mais ces règlements n'ont pas prévu le cas de vol. Non, en effet, c'est exceptionnel. Eh bien, agissons exceptionnellement, prenons des mesures. Impossible. Il faut d'abord, pour appuyer cette initiative, que je dépose un rapport chez M. Le Bureau, qui en discutera au Conseil des ministres. Il faut que le Parlement vote une loi nouvelle, un article qui s'ajoutera à la loi de régie de la Banque de France. Bien. En admettant que M. Le Bureau du Parlement établisse aussi un record de vitesse, cela demandera quelque temps. Pas trop, déclara le gouverneur sérieusement. 2 ou 3 ans au plus, avant de passer devant M. Le Bureau du Sénat. Cela fera 10 ans, et ce soir il manquera 1 million à la Banque de France. Oui, nous ne pouvons pas faire autrement, c'est regrettable. Paulin Broquet se mit à rire. Monsieur le Bureau coûte cher, fit-il. Mais, prenant congé du gouverneur, il se dit que, malgré M. le Bureau, il saurait bien empêcher le vol. Il acquit la preuve que depuis longtemps Zigomard avait trouvé le moyen d'obtenir de la famille Le Bureau les diverses autorisations nécessaires pour entreprendre son travail dans le poste militaire. « Il est inutile, dit-il à ses hommes, de perdre à présent notre temps à démontrer à messieurs Le Bureau qu'ils ont été roulés. Messieurs Le Bureau sont infaillibles, ou qu'ils sont complices d'un bandit. Messieurs Le Bureau ne peuvent être soupçonnés. » Admettant qu'ils se rendent à l'évidence, il faudrait de longs mois avant que les autorisations données fussent rapportées. Il conclut. « Agissons comme nous en avons l'habitude, malgré l'administration, et sauvons le million malgré M. Le Bureau. » Paulin Broquet vit donc arriver au poste militaire une équipe de soldats du génie qui, sous la garde du factionnaire, commença sa besogne. Mais Paulin Broquet était persuadé que les bandits ne pourraient enlever le million d'un coup. « C'est 300 kilos d'or à transporter, » dit-il. « Ça ne se met pas dans la poche. » Il posta ses hommes pour surveiller tout véhicule que le génie militaire amènerait devant le poste. Ce véhicule, voiture à cheval ou à bras, destiné à porter les matériaux, les outils ou à enlever les débris, les déchets de réparation, Paulin Broquet le ferait par un moyen quelconque arrêter et emmener dans un endroit, la cour même de la Banque de France, où on l'examinerait et le dépouillerait des sacs dont on l'aurait chargé. Pendant ce temps, lui était revenu chez le gouverneur. Mais alors il était simple fournisseur civil, et il venait sur la demande de l'intendant du gouverneur, sur une lettre le convoquant, voir où en était la provision de combustible dont il était l'adjudicataire, et prendre les mesures nécessaires pour la fourniture de bois de sillage pour l'hiver. Sans la moindre difficulté, on lui donna les clés de la cave, et il y put descendre avec Gabriel. car le gouverneur de la Banque de France habite la banque. Il y a son hôtel et ses dépendances, les resserres, les celliers, les caves. Dans les caves de la Banque de France, personne ne pénètre. Le système de protection est admirable. Les portes sont barrées de fer. Le stratagème du sable est merveilleux. Les murs sont épais. Mais les caves du gouverneur sont comme toutes celles des maisons, ouvertes au personnel, aux fournisseurs. On y entasse du charbon, du bois, du vin. Et bon nombre de gens peuvent y entrer, souvent, selon les besoins du service, y séjourner. Il n'est pas de muraille assez épaisse pour lutter contre l'ingéniosité et la patience humaine, quand de l'autre côté du mur dorment tranquillement tant de millions.